Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le danger des pesticides. Notre invité, Pierre Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Vous êtes aussi éleveur et producteur de céréales dans l'Allier. Tout à fait. À quel endroit de l'Allier, d'ailleurs ? Vers le nord-ouest de l'Allier, Ygrande, entre vers Bourbon-l'Archambault, pas très loin de la très belle forêt de Troncé qui souffre énormément de la sécheresse en ce moment. Bien, voilà, c'était pour la carte postale de chez vous, l'Allier le méritait bien. J'ai l'impression parfois, et en particulier aujourd'hui à travers ce récit, que l'agriculture est une sorte de condensé des maux de notre époque, une époque sauvage, brutale, qui vit sous le règne du fric dans une société essentiellement marchande, et qui donne aux pots de terre encore plus de fragilité devant le pot de fer. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? C'est peut-être pas le seul secteur de l'économie comme ça, mais quelque part il y a ça. Ce n'est pas le seul secteur de l'économie, mais c'est un secteur qui est extrêmement touché. Quand on choisit le métier d'agriculteur, on veut être agriculteur tout simplement parce que on veut vivre dans la nature, on veut vivre à l'air libre. Et on veut être indépendant. Oui, c'est ça. On veut être indépendant. On veut pas avoir de chef au-dessus de soi. Et puis on fait un métier extrêmement noble, qui est celui de produire de la nourriture pour les gens. Sauf que les dés sont un peu pipés à un moment, parce que derrière tout ça, il y a une industrie, il y a de la finance, qui fait que ce monde-là est très très très encadré, que la liberté on ne l'a plus, que l'air libre on l'a toujours, mais pas toujours facile à respirer, et que nous vivons dans une société où socialement c'est quand même très compliqué pour le monde agricole. Bien sûr. Et quelle est la mission, l'utilité, les résultats d'un syndicat comme le vôtre dans ce débat, le MODEF ? Alors, le MODEF, nous voulons défendre une agriculture qui est basée sur la vie, sur les hommes, les êtres humains. Et donc, nous voulons une agriculture nombreuse, riche de sa vie, pas forcément pécuniairement, mais il faut avoir les moyens de vivre correctement de son travail, mais riche de sa vie parce que effectivement c'est un métier où on peut véritablement s'éclater. Donc c'est un peu le sens, et donc pour être nombreux, il nous faut des exploitations, une agriculture qui répondent aux besoins de notre société d'aujourd'hui. Et pas plus. C'est-à-dire ne pas aller dans la surproduction. Est-ce que vous adhérez au concept, parce qu'il me vient à l'esprit par rapport à ce qu'on dit, d'agriculture raisonnée? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Alors l'agriculture raisonnée, oui, est-ce que c'est un slogan, un concept? Ça peut être un slogan, ou ça peut être pour certains agriculteurs quelque chose qui a du sens. L'agriculture raisonnée, pour bon nombre d'agriculteurs, c'est on essaie de travailler avec, enfin on travaille avec la nature et on essaie de corriger les petits défauts qu'il y a, mais quand on peut faire travailler la nature comme ça, on l'aide un peu. Quand mais on peut donner plus, la priorité voilà, à la nature, c'est ça. On donne la priorité D'accord. à la nature. Après, ça peut devenir tout simplement un concept pour un certain nombre de gens qui disent agriculture raisonnée, ce qui permet de se laver les mains derrière sur un certain nombre de choses. C'est aussi ce que l'on entend dans un certain nombre, dans l'environnement agricole. On dit, mais c'est de l'agriculture raisonnée. Ça n'a pas véritablement de sens tant qu'on n'a pas un certain nombre de normes qui sont là derrière. Alors, on va revenir sur l'histoire et le combat de Paul François. Il lance donc deux procédures, une contre la mutuelle agricole, la seconde contre Monsanto. On va commencer par le premier volet. Quelles sont les difficultés pour les paysans de faire reconnaître des maladies professionnelles, et j'entends, liées aux pesticides? Alors, la mutualité agricole est un organisme qui est issu du monde agricole complètement. Donc censé vous soutenir. Censé nous soutenir. Sauf que dans ce monde agricole, il y a plein d'interférences. L'industrie agroalimentaire et l'industrie qui tourne autour de l'agriculture a eu une action extrêmement forte. Or, les dirigeants de la mutualité sociale, pour la plupart, sont des gens qui sont sans doute de plein de bonne volonté, mais qui ne remettent pas en cause le système agricole dans lequel on est. Donc, quand on ne remet pas en cause le système agricole, on ne veut pas reconnaître les excès. Donc on ne reconnaît pas les maladies qui sont dues ça aux excès avec, de l'emploi, de produits. Voilà. Donc on est dans ce système-là. Ouais. Le monde agricole est tout petit, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, tout le monde vit ensemble et on ne bouge pas trop, on n'écarte pas trop parce que ça fait mal quand on écarte. Alors, par rapport à ces produits dangereux, heureusement maintenant certains agriculteurs se cabrent, s'organisent, on l'a vu lors du récit. Ça veut dire que pendant des années, vous les agriculteurs, vous avez souffert en silence? Oui, mais beaucoup d'agriculteurs... Parce que vous n'aviez pas le choix, bien sûr. On n'avait pas le choix, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après-guerre, il a fallu nourrir les gens. L'Europe s'est constituée. L'Europe s'est constituée sur une base agricole. On a fait des lois d'orientation agricole. Les lois d'orientation agricole avaient deux objectifs. L'un, il fallait nourrir la population à pas cher, et l'autre, il fallait trouver de la main-d'œuvre pour l'industrie. Donc... quelque chose qui est relativement simple, il faut spécialiser les agriculteurs, on spécialise les agriculteurs de plus en plus dans leur production, on spécialise aussi les zones de production, c'est-à-dire qu'on fait des zones céréalières, des zones laitières, des zones d'élevage, certes en relation un peu avec l'agronomie, mais pas tout à fait quand même. Donc on a spécialisé énormément les agriculteurs, on a agrandi les exploitations, on a beaucoup modernisé, dit modernisé, parce que c'est pas toujours le cas, malgré si on a du matériel extrêmement moderne. Tout ça pour produire le moins cher possible, quelles qu'en soient les conditions. Et tout a été fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que les agriculteurs, on a créé les centres de formation agricole, les lycées agricoles, qui ont formé des générations d'agriculteurs pour produire dans ce sens-là, mais on a formé des générations de techniciens agricoles, de conseillers agricoles qui ont été dans ce sens-là. Donc voilà. Donc les choses commencent de se remettre un petit peu, sont remises un petit peu en cause. Dernièrement, on change un petit peu d'orientation. On parle beaucoup d'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est quelque chose qui sort des années 68, donc de tout ce mouvement-là, où on dit qu'il faut aller beaucoup plus vers la nature. Mais on peut produire, je pense, d'une manière beaucoup plus naturelle. L'agriculture biologique, moi je suis producteur biologique, donc je suis en agriculture biologique depuis 20 ans, parce que j'ai refusé à un moment donné les pesticides et parce que j'ai refusé ces poisons-là. C'est pas la panacée. On ne va pas forcément faire que de l'agriculture biologique et ça n'a pas de sens en tant que tel aujourd'hui. C'est toute l'agriculture qu'il faut amener. Ce n'est pas un secteur de l'agriculture à côté d'un autre. Faut que ça soit transversal comme l'écologie, d'ailleurs. Il faut que ça soit transversal. Il faut qu'au niveau agricole, on utilise de moins en moins de produits qui sont extrêmement dangereux. Y compris pour des productions qui faisaient plus appel que d'autres à ces produits-là. On n'a pas parlé d'un produit qu'on utilise, un insecticide qu'on utilise sur la production de la banane. Oui, bah allons-y. On a pollué la terre en Guadeloupe pour 500 ans. Ouais. C'est-à-dire que pendant 500 ans, on sait que on ne pourra pas manger un certain nombre de produits qui sont issus de ces régions-là. Quelle est la dangerosité de ce produit-là? Ce produit-là fait que des enfants ont quelques malformations, mais un retard mental important, une précocité sexuelle extrêmement importante, se retrouve dans une situation où les agriculteurs de Guadeloupe disent maintenant à l'État, aujourd'hui, stop, arrêtez. On veut faire un bilan de ce qui existe vraiment, puisque nos enfants qui sont issus de ces secteurs de production de bananes sont malades, donc nous, on veut qu'ils soient reconnus et soignés en tant que tels, et on veut changer de méthode. Or, que fait l'administration et que fait l'État là-dessus? C'est de dire... mais la production de bananes, c'est quelque chose qui s'exporte, donc il y a de l'argent à faire là-dessus, donc il faut continuer de produire, quelles qu'en soient les conditions. Ce sont les agriculteurs qui demandent, et l'administration leur dit, non, vous arrêtez pas comme ça quand même. C'est vrai pour la canne à sucre aussi, on utilise là aussi le Roundup, et quand un agriculteur n'utilise pas le Roundup, on lui dit, c'est pas très bien, ton exploitation est pas très propre, c'est pas très... Alors qu'on peut très bien produire la canne à sucre, enfin c'est du moins ce qu'ils nous disent, sans glyphosate. Donc on est dans un système où toute l'industrie, tous les conseils agricoles, la politique agricole favorise ce type de production, alors qu'on peut faire autrement. Et puis si on peut pas faire autrement sur la totalité aujourd'hui, il faut y aller rapidement, il faut travailler rapidement pour y aller. Ça en fait des adversaires à combattre quand on veut justement combattre ce système. Et l'histoire de Paul François en est l'illustration. On a vu par rapport à la mutuelle agricole, pas facile. Par rapport à l'État, c'est pas facile non plus. Ce que vous disiez par exemple concernant les bananes. Mais je reviens à Paul François, qui au micro de Pascal Pascariello a confié justement toutes les difficultés, toutes les pressions qu'il a pu subir pendant cette période de combat. Les avocats de Monsanto font en sorte que je ne les oublie pas. C'est les procédures. Dès que les avocats modifient dans leurs conclusions, dans leurs écritures, vous devez informer la partie adverse. Et moi, je ne fais pas attention. Et à un moment donné, ils en viennent à me les faire déposer par huissier. Donc si des fois, je les oubliais, boum, vous avez un huissier le matin à 8h, là, qui vient vous déposer là 200 pages. Et boum, et quand vous lisez ces 200 pages... C'est fabulation, c'est tout ça une machination. Ma femme est complice de tout ça, qu'on a voulu se faire une notoriété. Enfin, vous faites des cauchemars la nuit, vous réveillez. J'ai été sali, j'ai été calomnié, j'ai tout entendu. Et puis, moi, les médias m'invitaient, j'ai essayé de choisir. Alors, ah, on a vu ton père à la télé, ah, on l'a vu dans les journaux, ah, puis après, il est un peu plus sur moi, ah, il veut se faire de l'argent, hein, puis il va être connu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ben, c'est le principe, effectivement, quand quelqu'un se défend, c'est vrai pour un certain nombre de syndicalistes qui se défendent, c'est que, bien sûr, derrière, il y a un intérêt pécunier, personnel qui est là derrière. Et c'est pas toujours le cas, quand même. Et c'est souvent pas le cas, quand même. Alors, je dis pas que ça peut pas arriver de temps en temps, mais quand on voit Paul François, son problème, c'est effectivement d'arrêter. Il va jusqu'au bout de son métier. C'est-à-dire qu'on produit pour nourrir les gens, pas pour les tuer, pas pour les rendre malades. Donc il va jusqu'au bout de cette démarche-là. Et c'est ça qu'on lui reproche, en fait. Et c'est pour ça qu'on l'attaque. Mais on voit quand même qu'à travers lui et d'autres, il y a une prise de conscience. Alors ça, qu'est-ce que vous inspire aussi, cette prise de conscience ? Est-ce que c'est un soulagement pour vous ? Est-ce que vous vivez mieux votre condition de l'agriculteur avec cette prise de conscience ? Ça vous encourage ? Alors, évidemment que ça nous encourage. Et évidemment, il y a une prise de conscience dans le monde agricole et hors du monde agricole. Dans le monde agricole, il y a une prise de conscience forte. Beaucoup de jeunes agriculteurs s'interrogent sur les méthodes de travail qu'ils ont. Beaucoup remettent en cause ces méthodes-là. Donc, ça avance. À mon sens, ça n'avance pas si vite aujourd'hui parce que il y a beaucoup de freins. Certes, qui viennent pas forcément que du monde agricole, enfin qui viennent pas du monde agricole, mais qui viennent du monde para-agricole. Mais cette prise de conscience. Et puis il y a cette prise de conscience des consommateurs quand même derrière, oui, qui est extrêmement importante et qui pousse bien derrière. Bien sûr. Parce que les consommateurs n'ont pas envie de manger un certain nombre de produits que l'on peut retrouver dans les assiettes. Alors, on va écouter un autre témoignage, celui de Jean-Marie Dédion, donc un autre agriculteur qui s'est attaqué à la multinationale Monsanto. C'est un extrait de l'émission Interception de France Inter. Je me sentais pas véritablement malade et d'un seul coup, j'ai une fracture de l'humérus droit, une fracture spontanée. En vous hissant sur votre tracteur. En montant sur mon tracteur. D'un seul coup, l'humérus s'est cassé. Alors là, par contre, des douleurs insupportables. Les premières constatations étaient terribles parce qu'ils m'ont dit que j'avais pratiquement aucune chance de m'en sortir. Alors ils ont commencé les chimiothérapies, puis tous les traitements pour nettoyer, laver les reins, pour éviter donc l'intoxication, ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Et puis, greffe, c'était la seule solution. C'est des soins très lourds. Ça a duré 8 ans, tout ça. Vous avez été l'un des premiers agriculteurs en France à vous porter en justice contre Monsanto. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Le déclic, c'est que j'ai trouvé scandaleux d'avoir fait croire aux agriculteurs que ces produits étaient sans danger, alors qu'ils connaissaient la dangerosité de leurs produits sur les bidons que j'ai utilisés, qui sont dans mes factures. Il était inscrit, étant donné la faible toxicité de ce produit, qu'une protection de l'utilisateur est nécessaire. C'est extrêmement grave. Voilà, donc c'était un deuxième témoignage qui va dans le même sens que le combat de Paul François. Donc il y a prise de conscience, on l'a dit. Maintenant, on réagit. Mais je me dis aussi que la meilleure façon de ne pas être intoxiqué par des produits dangereux, effectivement, c'est de faire du bio. Parce que le bio, c'est répond à deux critères. Pas de pesticides et pas d'OGM, on est bien d'accord. On est d'accord, bon. Le principe c'est pas de produits chimiques. Et je dis au passage, même pour les particuliers, vous savez, on est des maisons, petites ou grandes, quand il y a des mauvaises herbes, avec le vinaigre blanc ça marche très bien. Alors c'est plus long, artisanal, mais ça marche très bien. Mais ça marche, oui, bon, ça marche. Voilà, sur les petites surfaces, ça marche très bien. Oui, sur les petites surfaces, évidemment. Alors, vous m'avez dit, vous êtes agriculteur bio, donc est-ce que il y a eu une reconversion, vous n'avez pas toujours été bio? Ah, j'ai pas toujours alors, été comment bio. Ça s'est passé, dites-moi. Alors, comment ça s'est passé? Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, il y a une vingtaine d'années, et il y a une vingtaine d'années, effectivement, on avait quelques personnes qui commençaient d'être malades ici ou là. Quand on utilisait des produits, quand on faisait des traitements, on avait effectivement mal à la tête le soir. Ouais. Et là, on s'est dit, mais le mal de tête, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Alors, on n'avait pas tous les systèmes de protection qu'on a aujourd'hui. Hein. On était beaucoup plus... Et là, je me suis dit, mais on peut pas utiliser de poison, parce qu'on a utilisé un certain nombre de poisons. Quand on prend un herbicide, c'est on tue. Donc, on empoisonne une plante qu'on a pour la... On peut pas utiliser de poison pour produire de la vie. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut trouver une autre solution. Alors, je me suis tourné vers le bio. J'aurais pu me tourner vers une agriculture beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus... À l'époque, il n'y avait pas d'aide bio. Hein, donc, je n'étais pas dans ce système-là. Il n'y a pas de prime de reconversion. Il n'y avait pas de prime de reconversion. Au début, il n'y avait pas de prime de reconversion. Il n'y avait rien. Voilà. Donc, mais c'est cette prise de conscience-là. Et puis, j'ai toujours eu un peu la fibre un peu écolo, sans doute. Voilà. Donc, j'aime bien la nature, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien les animaux, j'aime bien les plantes. Donc, voilà. Donc, je me dis, on peut pas continuer comme ça. Il faut changer. J'ai pris ce tournant. Et ça, c'est bien. C'est d'un point de vue économique. Il n'y avait pas perdu. D'un point de vue économique, non, pas forcément beaucoup. Alors, au début, c'est un petit peu compliqué quand même. Et puis, on est sur un système d'agriculture qui était déjà peu utilisateur de produits. Donc, ça s'est fait relativement facilement quand même. Alors, il y a des primes à la reconversion. Est-ce que c'est équitable, ça, ou pas? Alors les primes, est-ce que c'est équitable? Je ne sais pas si les primes c'est véritablement équitable. Nous avons, nous, au niveau du MODEF, nous pensons que effectivement, quelles que soient les primes, on en a aujourd'hui besoin parce que le monde agricole va véritablement mal. Mais on ne peut pas continuer économiquement avec ce système-là. Mmh. Il faut qu'à un moment donné, l'activité agricole en elle-même puisse permettre une rémunération. Donc la reconversion, qu'on aide à la reconversion, c'est première étape qu'on fait, mais après ça doit vivre de soi-même. Ouais. On va discuter la réforme de la PAC bientôt. Si on continue de donner ces primes de cette manière-là aux agriculteurs, c'est-à-dire à l'hectare derrière, c'est-à-dire qu'on va continuer sur ce système-là. Il faut modifier complètement cette politique agricole pour arriver à ce que le métier d'agriculteur en tant que tel soit reconnu, qu'on n'ait plus de prime à l'hectare. On a induit, j'avais pensé à la prime à la vache allaitante que mes collègues agriculteurs vont comprendre. Elle a été mise en place en 78. On a modifié complètement l'économie nationale au niveau de ça. On a produit des broutards pour aller s'engraisser en Italie. Ouais. Aujourd'hui, l'Italie utilise une partie de son maïs pour faire du méthane. Donc, on vend moins en Italie. On essaie de trouver des sources ailleurs pour vendre nos animaux. Et on a un retour après en France. Et on retombe après en disant, on a besoin d'importer pour pouvoir nourrir. On est sur un système qui fonctionne pas bien. On marche un peu sur la tête. Dites-moi, il y a une puissante organisation qui s'appelle la FNSEA. Quel est le premier syndicat agricole? Quel est votre regard sur cette institution? Bon, c'est une institution que je connais bien puisque j'ai commencé de militer à la FNSEA, comme tous mes collègues agriculteurs. La FNSEA est diverse et variée. C'est-à-dire qu'on a de tout. On a des petits agriculteurs qui souhaitent effectivement s'en sortir. On a des plus gros. Ce qui se passe, que ça soit les FNSEA ou que ce soit dans les autres organisations, c'est cet environnement que l'on a autour des décideurs. Cet environnement de lobby que l'on a autour des décideurs qui sont là et qui font prendre des décisions à des gens qu'ils n'auraient peut-être pas pris s'il n'y avait pas ces lobbies-là derrière. Donc c'est cet environnement-là qu'il faut casser aujourd'hui. C'est un conflit d'intérêts, en quelque sorte. Parfois. Parfois, oui. Mmh. Parfois, il y a un conflit d'intérêts. Bien, je voudrais donner une statistique intéressante concernant le bio. On parle beaucoup du bio parce que c'est la réponse apparemment la plus évidente au problème que nous avons expliqué et raconté hein, tout à l'heure. En 2015, donc dernière statistique disponible, 4 pays représentaient à eux seuls plus de la moitié des surfaces européennes en bio, donc ça fait 53% que se partagent 4 pays. L'Espagne d'abord, avec 1,96 million d'hectares, c'est une progression de 22% par rapport à 2010. En deuxième position, l'Italie, 1,5 million d'hectares, plus 34%. La France arrive troisième, 61% d'augmentation de cette aire consacrée au bio. Et l'Allemagne arrive quatrième. Et pour être tout à fait précis sur cette donnée, si les pays du Sud sont les plus bio en production, ce sont les pays du Nord qui sont les plus grands consommateurs de bio. Voilà, je vais terminer sur ces données précises, chiffrées et statistiques. Merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires